soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Mercedes arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 11 avril 2024. Comme vient de l'indiquer l'indicatif précisément à l'instant, c'est le rendez-vous info actu local des mots, des sons sensibles, dernier rendez-vous de cette semaine qui, chose promis, chose due, revient sur la table ronde radiophonique qui vient tout juste d'être enregistrée à la Cinémathèque de Saint-Étienne ce mardi soir autour de l'esprit critique. Question posée, esprit critique, es-tu encore là avec la dessinatrice autrice de BD Gali, Stéphane Lebras, maître de conférence, et Yann Voituron, enseignant-chercheur, en partenariat avec les médiathèques municipales, le CNRS et donc Radio Dio, puisque j'avais le plaisir d'animer cette table ronde, un événement organisé dans le cadre de la résidence d'éducation aux médias et à l'information qui s'est tenue pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous allez donc retrouver d'ici un instant la retransmission de cette table ronde, près d'une heure et demie à passer ensemble. Rediffusion ce jeudi 11 avril, 19h, 18h30, exceptionnellement ce jour, autant vous le rappeler, 18h30 en rediffusion. Et ce vendredi, bien sûr, comme habitude, en matinale à partir de 8h, diffusion hertzienne, avant de retrouver cette table ronde radiophonique prochainement mise en ligne et donc écoute possible via notre site www.radiodio.org. Vous pouvez retrouver bon nombre d'autres points actualité et émissions en réécoute possible également de notre antenne. Des mots, des sons sensibles s'ouvrent néanmoins comme à notre habitude avec nos découvertes partenariats Ferrarock cette semaine. On vous les a présentés à de multiples reprises tout au long de cette semaine. Deux groupes lyonnais voisins donc issus du Rhône et du 69 avec Fonce Dalle. Et puis ce projet-là sur lequel nous allons nous arrêter à nouveau. Le groupe Johnny Carwash qui est de retour avec un deuxième album. Ils avaient déjà réalisé il y a peu de temps finalement un premier opus, Teenage End. Les voilà de retour avec un nouvel album intitulé No Friends, No Pain qui est sorti fin mars dernier, le 29 mars via Howling Banana Records et Louis Music. On vous propose et je vous propose à nouveau de nous arrêter sur cet album qui commence à faire bonne presse comme l'on dit puisqu'on les retrouve chroniqués ici et là un peu partout, Movno, Libération et certaines radios plus mainstream commencent également à rentrer Johnny Carwash en playlist et donc en programmation, un groupe que l'on suit depuis ses débuts. On se rappelle de ces sélections ou présélections live durant lesquelles d'ailleurs nous les avions rencontrés et interviewés. C'était en 2020, il y a déjà 4 ans de cela. Présélection live qui se déroulait au fil alors. Et puis, ils avaient été effectivement sélectionnés Inouï du Printemps de Bourges en Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de The Dog, Roman Santarelli ou encore Klaus Tinto. Autant faire aussi ces petits rappels et vous annoncer encore qu'au-delà du partenariat Ferrarock cette semaine, c'est aussi une actu live puisque Johnny Carwash sera en concert ici même à Saint-Étienne. Ce sera très prochainement et très vite là puisque ce sera jeudi 18 avril prochain aux côtés de ceux qui nous viennent aussi de la région, ils sont de Valence, c'est les TV Sundays. Voilà pour l'actu live et donc album. On plonge dans cet album de Johnny Car Wash, emmené, c'est un trio, on le rappelle, hein, par Manon Tsaheli, guitare chant, Bastien Boudet à la basse et Maxime Frein à la batterie. Ça commence pour cet album en une trentaine de minutes, hein, pour l'opus, pour 10 titres, avec ce beau cœur de Yu Yu sur fond de guitare solaire. Et c'est plutôt bienvenu puisque le titre d'ouverture que je vous propose s'intitule Sunshine, tout à fait approprié à la météo du jour. On écoute Johnny Car Wash, démo des sons sensibles, c'est parti. Sunshine des Johnny Car Wash, c'est court, concis, efficace, et c'est un peu le cas sur l'ensemble de cet album, une bonne trentaine de minutes pour 10 titres. No Friends, No Pain, nouvel album de Johnny Car Wash, en découverte Ferrarock cette semaine, sorti ce 29 mars dernier chez Alling Banana Records, Louis Music. Vous avez plus d'infos en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant bien sûr le programme Dig Dig Diggers, programme mutualisé et collectif Ferrarock ce vendredi, 12h-19h lundi 8h, avec bien sûr interview, écoute auprès de ces groupes découvertes cette semaine, donc formation lyonnaise et voisine, hein, pour cette 15e semaine 2024, Johnny Car Wash, avec une interview qui sera réalisée par Radioactive, Croc Radio et Jean-Michel a assuré une interview de Fonce Dalle, en découverte aussi cette semaine. Et puis vous retrouvez encore un module événement et partenaire avec le Printemps de Bourges. Et oui, on évoquait les Johnny Car Wash en Inouï, sélection Printemps de Bourges 2020. Le Printemps de Bourges 2024 approche à grands pas. Ce sera du 23 au 28 avril prochain. On aura l'occasion de vous en reparler. Partenariat Ferra et surtout retransmission d'émissions spéciales à noter d'emblée. Ce sera les 24 et 25 avril de 16 à 18 heures sur les stations Ferra. Donc voilà, ferrarock.org, Dig Dig Diggers ce vendredi pour en savoir davantage sur l'actualité et les découvertes cette semaine de notre fédération. Johnny Car Wash encore, on vous l'a dit et je vous le rappelle, en concert avec TV Sundays, groupe de Valence. On sera donc dans des groupes et formations régionales le 18 avril prochain, ça se passera salle Le Clapier à Saint-Étienne. On vous en reparlera d'ici ce 18 prochain précisément. Allez, d'ici un instant, rediffusion de la table ronde radiophonique enregistrée ce mardi 9 avril à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Esprit critique, es-tu encore là ? Une table ronde à suivre d'ici un instant sur Dieu, en vous souhaitant une belle émission, belle table ronde, belle écoute. Bonsoir à tous et toutes, bienvenue ici à la Cinémathèque, c'est avec un grand plaisir qu'on est ici pour assurer ce plateau radiophonique, c'est-à-dire que cela va faire l'objet d'une émission de radio qui devrait être diffusée ce jeudi même. Vous voyez, nous sommes très réactifs à l'issue de cette captation enregistrement. Cette rencontre sera donc radiodiffusée cette semaine. Merci aux archives municipales et métropolitaines qui mènent ce projet déjà depuis quelques mois. Vous savez que cette rencontre vient clôturer un travail de plusieurs mois, d'abord de résidence, en compagnie de la photographe Kenya Sadoun, autour de l'éducation à l'image et à l'information, qui a été menée pendant près de 6 mois, avec bon nombre d'événements qui ont eu lieu là durant ce printemps et qui ont encore lieu pour quelques jours ou quelques heures encore. Il y a eu tout au long ou mi-mars une exposition Fake News, art, fiction, mensonge, conçue par le Clémy à la Trium de la médiathèque de Tréfilerie. Et puis il y a encore jusqu'à ce 13 avril, là, juste à nos côtés, à la médiathèque, l'exposition de restitution de cette résidence d'éducation et aux médias et à l'information qu'a réalisée Kenya Sadoun, aux côtés de bon nombre de structures scolaires ou socioculturelles, et que vous pouvez encore apprécier donc jusqu'à ce 13 avril, quelques heures encore, à la salle d'actualité de la médiathèque de Tarentaise, là, juste à nos côtés. Il y a eu également une clôture officielle de cette résidence qui s'est tenue le 26 mars dernier avec une conférence de l'historien Jean-Michel Stenner, membre du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, avec qui nous collaborons d'ailleurs depuis plusieurs saisons maintenant, puisque le GREMOS assure une émission mensuelle sur Radio Dio, le 89.5 de la bande FM, cette radio associative locale. Jean-Michel Stenner est intervenu sur le photojournalisme, et notamment sur la grève ouvrière de 1948, à travers les clichés de Willy Ronis et Léon Leponce, que vous connaissez sans doute bien. Et puis, ce dernier temps qui est proposé, dernier événement dans ce cadre-là, cette rencontre intitulée « Esprit critique, es-tu ?» entre parenthèses, encore là, vaste question posée à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos différents participants, participantes, intervenants, intervenantes ici, vous le voyez, 3 personnes sur ce plateau et à mes côtés. Gali, qui est dessinatrice, mais pas seulement, auteure de BD et bien d'autres activités dans le monde de l'image. Bonjour Gali. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes notamment co-autrice, on peut le dire, ou dessinatrice sur ce projet réalisé il y a quoi, 2 ans de cela, cette BD intitulée L'Esprit Critique, justement. Alors oui, c'est sorti en 2021 et je suis dessinatrice sur ce projet-là. On va donc parler de ce travail. À vos côtés, on retrouve Stéphane Lebras. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue également à Saint-Étienne. Vous êtes maître de conférence et co-directeur de l'ouvrage qui va particulièrement nous intéresser ici, Les fausses nouvelles, un millénaire de bruit et de rumeurs dans l'espace public français. Si je ne me trompe, c'est un travail collectif également, qui est paru il y a quoi, 2 ans ? Non, un peu plus. Un peu plus, 3 ans maintenant. 3-4 ans même, oui. Ok. Qui en fait résultait d'une table ronde et d'un colloque qu'on avait mené à l'université de Clermont-Ferrand sur ce sujet en 2017-2018. On va avoir l'occasion de développer davantage ce travail. Et puis enfin, Yann Voituron. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Yann Voituron, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lyon 1, Claude Bernard, membre du laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. On aime bien les noms compliqués. Vous l'expliquerez également. Merci en tout cas à vous d'être là. Alors je vais vous poser quelques questions. On va envisager cette rencontre sous forme de causerie, discussion, échange. Et puis vous allez présenter plus largement vos démarches et vos travaux. On laissera, je le précise quand même pour le public, un petit temps d'échange à l'issue de cette rencontre, donc à laquelle vous pourrez participer avec un micro-baladeur que Pierre Régis, qu'on salue des archives, va pouvoir faire circuler. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr intervenir à l'issue de cette rencontre. 5 petites questions de lancement et d'ouverture, une sorte de préambule finalement. On parle d'esprit critique intitulé de cette rencontre. S'il fallait pour vous définir comme ça en quelques mots ce qu'est l'esprit critique, comment vous pourriez donner, envisager une définition ? Moi, je veux bien commencer. L'esprit critique, s'il est souvent associé à la démarche scientifique, mais il n'y a pas que. C'est plutôt ça, des fondements assez philosophiques. L'esprit critique, c'est essayer de voir comment... C'est une attitude intellectuelle, disons, qui, du coup, vise à n'admettre que vrai ou réel, sachant qu'il faut encore discuter sur ces mots-là, un fait... sans l'avoir passé sous les fourches codines de la rationalité, d'aller voir ce que les autres pensent et du coup de se faire sa propre opinion. Voilà. C'est déjà une bonne et grande définition. Stéphane Lebras, peut-être ? Mais je dirais que c'est une capacité à prendre du recul face à effectivement une information. Alors la question, c'est comment arriver à prendre du recul aujourd'hui ? Nous, en tant qu'enseignants, c'est justement ce qu'on essaie de transmettre à nos étudiants, ce qu'on essaie d'expliquer dans différentes publications également. Mais je pense que c'est principalement le premier réflexe qu'il faut avoir pour essayer de développer l'esprit critique, c'est d'arriver à prendre un certain recul par rapport aux informations en croisant les sources, en croisant les informations. Gali, enfin. Et moi, je dirais, alors ça vient d'une citation de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, j'aurais dû réviser, mais c'est avoir des doutes là où tout le monde voit des certitudes, ce qui pourrait aussi être la définition du complotisme, mais j'aime bien cette façon de voir. Voilà. Très bien, le complot, peut-être que l'on va aborder aussi cette question, qui l'est en tout cas au travers de la BD à laquelle vous avez participé, contribué. Alors peut-être qu'on va rentrer dans ce temps-là de présentation de vos travaux ou démarches respectives. Commençons justement peut-être par l'esprit critique, le ton est donné, au travers de cette bande dessinée qui est parue chez Delcourt, aux éditions Delcourt. Vous avez assuré le dessin aux côtés d'Isabelle Bottion, qui, elle, est précisément une scientifique, puisqu'elle est docteure en biologie et donc scénariste de ce livre, qui est véritablement un travail de, comme l'on dit souvent en science, de vulgarisation, très à la fois amusant et accessible. Peut-être que vous pouvez nous présenter ce travail et la façon, à laquelle vous avez pu participer et contribuer. Et peut-être d'abord, pourquoi ce choix, la raison du choix de cette thématique et comment vous avez envisagé un travail collaboratif et notamment d'illustration de cette démarche et de cette thématique. Alors, c'est venu de ma scénariste qui avait cette idée en tête justement de faire un ouvrage de bande dessinée de vulgarisation sur l'esprit critique qui, du coup, en 2021, n'était pas vraiment au centre des débats publics. Et elle est venue me voir donc avec une définition de ce que serait l'album en, je sais pas, une vingtaine de lignes, et j'ai strictement rien compris. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion déjà d'apprendre des choses et de me mettre aussi au niveau des lecteurs qui ne connaissent absolument pas de quoi on parle et d'essayer de leur retranscrire ce que moi j'aurais compris de son scénario, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, ça s'est amorcé comme ça. Et après, oui, c'est la création d'une bande dessinée, donc c'est un travail qui s'est étalé sur 2 ans, où il a fallu essayer de comprendre des fois ce qu'elle essayait de dire, parce qu'effectivement, elle a une formation scientifique. Aujourd'hui, elle est plus romancière et scénariste de BD. Elle a un peu laissé de côté tout ça, mais elle connaît quand même beaucoup de mots techniques qui m'étaient complètement étrangers. Donc voilà, ça a été... pas évident, pour le coup. C'est pas évident et c'est complexe. Je le disais, c'est amusant et vulgarisé, certes, mais je m'y suis repris à 2 fois pour lire cette bande dessinée. Je ne sais pas si Stéphane et Yann, vous avez lu cette bande dessinée, cette BD, très instructive, en tout cas, et qui, comme ça, déconstruit et développe les principes qui régissent la construction de la connaissance scientifique. Il est très bien construit, très sourcé également. Il y a un gros travail historique aussi qui est développé dans l'ouvrage. Il y a une partie historique, effectivement, pour retracer les débuts de la pensée critique avec Anaximandre de Millet, si je me souviens bien. Puis tous ceux qui ont suivi, celles qui ont suivi, bien sûr. Il y a une partie spécifiquement sur les biais cognitifs. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, les paralogismes, syllogismes et autres. Enfin bref, c'est assez dense comme bouquin. Oui, les biais cognitifs qui sont passés en revue, qui permettent à apprendre à se méfier de son propre jugement, finalement, et qui nous donnent comme ça une série d'outils pour s'informer correctement au-delà de la science en tant que telle, puisqu'il y a finalement aussi cette analogie qui est faite entre à la fois approche scientifique mais approche aussi journalistique, finalement, comment on reçoit une information, comment la comprendre aussi, surtout pour se forger une opinion propre et se faire donc son propre jugement. C'est toute la démarche de cet ouvrage, et qui aborde même la question du militantisme aussi, finalement, sur la fin de l'ouvrage. Très bien, l'esprit critique donc chez Delcourt, comme je le disais. On passe peut-être à un autre travail, celui d'un historien, parce qu'on ne l'a pas dit, vous êtes maître de conférence, mais vous êtes historien, donc autre science. Si on peut le considérer comme tel. C'est une science. C'est une science. Perspective historique intéressante. C'est donc ce travail que vous avez co-réalisé avec Philippe Bourdin, essentiellement. Les fausses nouvelles, un millénaire de bruit et de rumeurs dans l'espace public français. Alors, vous le disiez, cela résulte d'un travail, ou en tout cas de réflexion, menée au cours d'une table ronde et d'une journée d'études. Expliquez-nous peut-être là aussi comment vous avez envisagé cet ouvrage, en tout cas la genèse de cet ouvrage, et puis aussi ce qu'il comporte. En fait, c'était en 2017 une demande de 2 associations clermontoises. Donc c'était 2 associations qui étaient particulièrement investies dans le champ de la laïcité, de la diffusion des valeurs, on va dire, républicaines. Et 2017, on est dans une période où... Trump commence à être bien connu partout dans le monde et à diffuser donc tout un tas d'informations en expliquant lui-même qu'il a inventé le terme de fake news. Donc ça date d'un discours en 2016. Et donc il y avait une vraie demande sociétale, je dirais. Donc on a décidé d'organiser ça en 2 temps, sur 2 jours, avec une table ronde dans un premier temps avec des spécialistes, et puis ensuite une série de petites conférences dans le cadre d'une journée d'études, qui a donné lieu donc à une publication 2 ans après, je pense, nous a poussé à réfléchir en fait à cette notion de fausse nouvelle, parce que bien souvent on imagine que les fausses nouvelles sont liées donc à une époque assez récente, et notamment à Internet, en gros, pour faire assez simple, alors qu'en réalité, nous, ce qu'on a montré, et encore là on s'est arrêté au Moyen-Âge, en remontant, Ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, les fausses nouvelles ont toujours existé, sous différentes formes, à différentes périodes. On les retrouve dès l'Antiquité, dès les textes bibliques également. On retrouve en fait des nouvelles. Alors, nous, dans le livre, on essaie d'expliquer que fausse nouvelle, c'est un terme assez mal traduit de l'anglais, parce que le terme anglais, c'est fake news, qui en fait, en français, devrait plutôt se traduire par nouvelle forgée, ce qui donne encore plus l'idée de ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une nouvelle qui est construite. Alors après, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à comprendre pourquoi, par qui, vers qui. Mais donc l'objectif, c'était ça, c'était d'essayer de montrer comment est-ce que des rumeurs, ce qu'on appelle également à l'époque moderne des bruits, se diffusent dans l'espace public. Comment est-ce qu'ils construisent des réputations, comment est-ce qu'ils en détruisent également, à travers des cas d'études donc, entre l'époque médiévale et le 21e siècle, parce qu'on avait un journaliste aussi qui nous parlait de son expérience. Voilà. Oui, si j'ai bien saisi, l'ouvrage est décliné en trois parties essentielles. Première partie qui aborde les origines de l'opinion publique, une deuxième partie qui est consacrée à la période plus contemporaine, et puis cette troisième partie que vous évoquez avec un journaliste dont je vais retrouver le nom, c'est Didier Desormeaux. Didier Desormeaux de France 2, ouais, c'est ça, France Télévisions. Grand reporter en tout cas. Oui, qui était... Il était présent à la fois à la conférence et le lendemain, enfin à la table ronde et puis ensuite aux conférences. Et donc il nous a proposé une sorte de panorama de son parcours à travers le contrôle de l'information. C'est très intéressant parce que lui, il était en Roumanie au moment de Timișoara. C'est l'histoire du charnier qui en fait n'en était pas un, et donc lui-même a été propagateur de la fausse nouvelle. Donc c'était très intéressant de voir comment est-ce que, en pleine période de sortie de guerre froide, un jeune journaliste arrivait à gérer le flux d'informations qui étaient des flux d'informations souvent contradictoires. Voilà. Et fausse nouvelle qui avait été annoncée avec grand fracas sur les plateaux de télévision et qui aborde donc cette question des fake news, comme vous le disiez, donc de ce point de vue journalistique et comment tout cela aussi a transformé le métier, hein, finalement de par la profusion aussi d'informations et de chaînes d'informations ou de sources d'informations possibles en continu, comment aussi des groupes de spécialistes travaillent finalement ou sont en charge de la déconstruction aussi de ces rumeurs et donc le rôle d'Internet dans tout cela et sur cette massification aussi de la diffusion de ces fausses nouvelles finalement et vous le disiez ces fake news initiées, popularisées par le président ou ex-président américain qui a expliqué que cette démarche était légale. Dans ce pays en tout cas, en raison du premier amendement de la Constitution qui protège la liberté d'expression. Donc là, c'est toute la... on va dire le point complexe et délicat de la chose. Alors juste de ce que j'ai pu voir, c'est que vous êtes plutôt intervenu dans cette deux secondes parties de l'ouvrage et que j'aurais aimé, Stéphane Lebras, que vous puissiez peut-être le développer parce que si je reprends mes notes, vous avez démontré comment on instrumentalise un événement ancien pour justifier un événement contemporain. Et vous avez pour cela utilisé un exemple qui est celui de la révolte des vignerons languedociens, qui a été réutilisée en 1976 par un même groupe professionnel. Est-ce que vous pouvez un peu développer, expliquer la chose ? Alors ça, c'est classique, sans rentrer dans les détails des vignerons en eux-mêmes, c'est quand même un phénomène qui est classique lorsqu'on étudie les fausses nouvelles sur un temps moyen, voire sur un temps long. C'est la résurgence des fausses nouvelles sur un corps social spécifique. Un exemple qui va beaucoup plus parler que celui des vignerons, ce sont les juifs qui, dès l'Antiquité, en fait, sont stigmatisés et qui vont l'être régulièrement. Et à chaque fois qu'on va stigmatiser les juifs à l'époque médiévale, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, on va faire un retour en arrière en justifiant, en fait, la stigmatisation contemporaine par la stigmatisation passée, qui elle-même est un construit fallacieux, en fait. Hein? Donc les juifs, en fait, ont le péché originel, si je peux parler ainsi, c'est la mort de Jésus. Hein? On considère que c'est eux, en fait, qui ont condamné Jésus en manipulant Ponce Pilate par le biais de fausses nouvelles. Donc vous voyez, en fait, il y a un enchevêtrement de fausses nouvelles. Hein? C'est-à-dire que les juifs eux-mêmes sont accusés de propager des fausses nouvelles. ce qui en soi-même est une fausse nouvelle, vous voyez, et ça va ensuite donner donc ce qu'on appelle le peuple déicide, ce qui va stigmatiser les juifs tout au long de l'époque médiévale et qui sera réutilisé ensuite dans les mises au banc de la société dans les siècles qui vont suivre. Donc c'est ça qui est intéressant et je pourrais vous donner tout un tas d'autres exemples plus ou moins connus hein, donc pour les vignerons c'est un peu la même chose hein, c'est les vignerons du Midi qui se révoltent et cette révolte va être réexploitée. Donc ils se révoltent en 1907, et cette révolte va être réexploitée, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, quand, au moment des grandes défaites de 1914, il y a un bataillon languedocien qui est impliqué dans une défaite, et où on explique qu'en fait, ils font comme en 1907, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être de bons Français, de bons républicains, et qu'ils veulent se séparer de la République. Et donc, ils laissent gagner les Allemands. Voilà. Et donc, ça va être réexploité à nouveau ensuite dans les années 30, puis dans les années 70, voilà. Donc c'est souvent une histoire à rebours. Hein. Mais je crois que dans la BD aussi, Gali, si je ne me trompe, il y a des exemples un petit peu de cet ordre-là qui sont repris et illustrés dans l'ouvrage. C'est-à-dire ces événements passés qu'on a répétés, enregistrés comme tels et qui font charge de preuve finalement aujourd'hui et comment il est difficile de déconstruire finalement aussi tout. Il faudrait que je la relise. Il me semble qu'il y a des choses, des exemples un peu très concrets en termes de santé, par exemple, comment on a associé vaccin et autisme, par exemple. Pendant de longues années, on a pensé que, alors que finalement, il n'y a aucune preuve tangible à la chose, bien au contraire. Je peux me permettre de répondre, parce que j'ai étudié ça. En fait, c'est un épidémiologiste qui s'appelle Wakefield, qui a publié une enquête où effectivement, il montre la corrélation entre le vaccin ROR et l'autisme. Donc on doit être en 1994, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça a été assez rapidement démonté par d'autres scientifiques. Et il a fallu que le journal, alors je crois que c'était Nature, qui avait publié l'article, fasse démente l'article qu'il avait publié quelques années auparavant. Mais malgré tout, Wakefield est devenu, malgré le fait que d'autres scientifiques aient prouvé le contraire, est devenu une sorte d'égérie des antivax, hein, et encore récemment, en 2018 ou en 2019, quelque chose comme ça, il avait été invité par une députée européenne dans le cadre d'un colloque ou d'une conférence, voilà. Ça, ce sont les mots-clés de la BD qui sont rappelés, mais qui sont vraiment valables au-delà de cet ouvrage. C'est la corrélation n'est pas une relation de cause à effet. Causalité n'est pas corrélation. Absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et alors, il y a des exemples assez flagrants et très marrants d'ailleurs, hein, très amusants, qui sont repris dans la bande dessinée. Comment on peut très facilement corréler des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qu'on pourrait tout à fait associer pour... on ne sait quel intérêt, mais en tout cas, voilà, ça c'est chose importante. En tout cas, cette perspective historique, elle est intéressante, et elle est intéressante aussi finalement avec le travail d'archives ou d'archivisme, si on peut dire ainsi, qui sont aussi à l'origine de cette rencontre. L'enjeu de se référer aux sources dans la recherche historique. Ceci dit, se référer à quelle source? La question du référentiel, c'est un point aussi important et sensible, presque, je dirais. Alors, je dirais que pour nous, historiens, c'est facile. Parce qu'on sait où sont les sources, on va aller voir les sources, on va les comparer. C'est beaucoup plus difficile pour un citoyen, en fait. Hein, c'est là qu'est la difficulté. Tout à l'heure, on parlait d'outils. Pour nous, scientifiques, les outils sont assez simples. Hein, mais après... c'est ce qu'on va en faire, comment on va le restituer en ayant nous-mêmes nos biais cognitifs et comment est-ce que l'auditoire ou le public va ensuite réceptionner ce qu'on va dire et nous faire confiance. Parce qu'en fait, la fausse nouvelle, elle est basée sur un mécanisme qui est celui, enfin, un de ces mécanismes, c'est celui de la confiance et celui du prescripteur. Hein? Wakefield, quand il dit qu'il y a un lien entre ROR et autisme, c'est un épidémiologiste de renom, donc on le croit. On n'imagine pas que derrière il y a des enjeux qui sont des enjeux financiers en fait, hein, qui le poussent à mener cette fausse étude. Donc je dirais que pour nous c'est assez simple, c'est beaucoup plus compliqué pour un citoyen lambda parce que avoir accès aux sources, avoir accès aux archives, on ne sait pas toujours comment faire, on ne sait pas lesquelles. Voilà, c'est en cela que la science aujourd'hui est au cœur des enjeux pour lutter contre les fausses nouvelles. C'est autour de cette notion de confiance, hein, et de remise en question perpétuelle. Tout à l'heure, tu as parlé de douter, et tu as dit qu'il fallait douter pour avoir un esprit critique, mais le problème, c'est que trop douter, bah, tu l'as dit aussi, ça mène au complotisme, en fait. Hein. Donc c'est un équilibre qui est assez difficile à trouver, quoi. La confiance, un sacré mot-clé qu'on pourrait, à contrario, mettre en perspective avec la défiance très présente aujourd'hui, notamment en rapport à l'information, notamment. Mais c'est, alors là, ça relève et ça soulève bon nombre de questions, hein, tout ce que vous dites, c'est-à-dire vraiment la remise en question, le doute, peu importe, comme vous le disiez, un épidémiologiste ou un scientifique renommé, ou bref, un sachant, entre guillemets, qui peut faire autorité, comment aussi toujours pouvoir remettre en question, hein, finalement, aussi, c'est ce que démontre aussi la bande dessinée. Dans l'histoire, on a assisté par Copernic, Galilée et autres, que par ce travail de remise en question permanente qui fait aussi évoluer et progresser finalement aussi les choses et les recherches, pour exemple. On va peut-être tenter un petit peu de déconstruire tout cela et d'y revenir, mais on va terminer avec la troisième personne ici présente, avec Yann Voituron. Alors vous êtes chercheur, donc scientifique, pur et dur, comme on dit en science. Oui, alors oui, je suis biologiste. Donc science dure. Science dure, alors c'est la plus molle des sciences dures, la biologie, c'est souvent ce qu'on dit. Donc on a un certain nombre de passés où la biologie est plutôt basée sur l'observation, et les méthodes scientifiques ont plutôt déconstruit la position de l'observation comme en porte d'entrée de la science. Donc nous, on est toujours assez observateurs, donc il faut qu'on fasse très attention à comment on fait notre science, nous, par rapport aux physiciens et par rapport aux chimistes. Et donc voilà, on est un petit peu plus mou que les autres. Donc effectivement, moi je suis biologiste, et c'était intéressant d'entendre les mots de Stéphane juste avant, c'est-à-dire quand on dit que les nouvelles, les fake news, c'est en fait des nouvelles forgées, c'est-à-dire qu'elles sont construites, et en fait parmi les grosses erreurs scientifiques volontaires que l'on peut faire, ce qu'on appelle le forging, donc c'est vraiment où en fait on va falsifier les données scientifiques de manière intentionnelle. Et donc la science, elle est aussi, elle, capable parfois de générer des fausses nouvelles. Comment ça existe, ça, en science? Ça existe. Ça existe pour plusieurs raisons, et qu'on peut largement développer. C'est bassement humain, c'est-à-dire que le fait que des scientifiques trichent et attaquent foule au pied vraiment la démarche scientifique, ça leur permet de publier plus. Et comme les publications sont rémunérées, donc leur paye est dépendante de ça, leur capacité à aller chercher des fonds dépendante de ça. Et donc du coup, c'est bassement humain. Il y en a qui choisissent la stratégie de triche, donc du coup de publier plusieurs dizaines, centaines d'articles qui sont complètement inventés. Et donc ça arrive. Et c'est, alors quand c'est détecté, les scientifiques sont punis, entre guillemets. Hein. On a des gens qui peuvent être exclus de leur tutelle. Par exemple, le CNRS a déjà exclu des chercheurs pour fraude intentionnelle. Et d'autres se sont vus, par exemple, retirer leur doctorat, puisqu'ils ont triché depuis le début. Voilà, donc ça arrive. La science peut être source de fake news, malheureusement. Oui, alors on va y revenir. Vous êtes, vous, chercheur au CNRS. Je le disais, vous êtes spécialiste en écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Chose compliquée, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Vous pouvez peut-être l'expliquer en quelques mots. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir si, dans votre travail au quotidien, vous pouviez être remis en question, finalement, dans vos travaux et peut-être même résultats de recherche. Alors mon laboratoire, c'est un laboratoire centré sur l'eau et la ville. Voilà, sujets qui sont assez délicats en ce moment. Et donc moi, fondamentalement, je travaille sur la bioénergétique cellulaire, voilà, les mitochondries, si vous vous rappelez, les petits organelles qui sont dans les cellules et qui fournissent l'énergie. Et moi, j'ai pas une thématique de recherche qui est particulièrement sujette à être attaquée, en tout cas par des médias ou des choses comme ça. Il n'empêche que voilà, on est nous-mêmes constamment vérifiés par nos confrères. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et puis, voilà, moi je suis plutôt dans une situation où je vois cette confiance qu'ont les gens dans la science. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on se présente comme scientifique, chercheur, tout d'un coup, la société vous accorde assez volontairement une position de sachant. Et puis, du coup, certains en abusent assez facilement. Donc voilà, donc ça c'est vrai. Au quotidien, on le sent. Quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu de la recherche, il y a une espèce comme ça de confiance absolue dans la science. Et ça aussi, c'est une construction. Hein. C'est une construction qui nous vient des Lumières et où ils ont commencé à... où l'horizon était scientifique et technologique. Mmh. Et c'est avec ça qu'on nous a vendu la notion d'émancipation qui est devenue progrès. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont venues dans le progrès. Le capitalisme, par exemple, est rentré là-dedans. Et donc, du coup, voilà, on nous a un peu menti, mais les Lumières, au début, avaient donné comme horizon la science. Et nous, on est construits comme ça, en tout cas les Européens, on est assez construits sur que cet horizon scientifique est un horizon de progrès. Donc, les gens nous accordent assez facilement du crédit. Alors, vous le disiez, pas véritablement de remise en cause sur vos travaux, mais néanmoins, il y a peut-être une chape de plomb, parce que si j'ai compris aussi la démarche de votre travail, c'est tout de même d'observer les impacts, pour exemple, du changement climatique. Voilà, alors chape de plomb, c'est que le changement climatique fait aussi débat. Et c'est peut-être à ce niveau-là que peut se poser la question de la remise en question et du doute qui pourrait intervenir sur les origines du changement climatique, le réchauffement climatique existant ou non. Le changement climatique, c'est un cas d'école, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui émerge dans les 50 dernières années, qui commence à être détecté par certains scientifiques, qui faisaient des carottes dans les glaces, qui commencent à pouvoir faire dégazer du coup dans des glaces millénaires de l'atmosphère, et donc de pouvoir l'analyser, et donc ils se rendent compte qu'effectivement on a une augmentation des températures. Il faut savoir que pendant très très longtemps, tout un tas de scientifiques n'ont pas accepté. Avec une construction intellectuelle aussi, voilà, on peut citer Haroun Taziev, qui était très connu, très médiatique, et qui au début ne croit pas au réchauffement climatique, parce qu'il est centré sur ces volcans, et il dit que les volcans sont bien plus puissants qu'une seule espèce sur Terre qui peut faire bouger le climat ou modifier le climat. Les volcans le peuvent, un humain ne le peut pas. Voilà, bon, l'avenir lui donnera tort. Mais effectivement, il y a eu un certain nombre de combats, un certain nombre de scientifiques renommés qui ont été contre, et là aussi avec des jeux de lobby de la société qui veut utiliser la science pour affirmer sa vision de la réalité, quoi. Oui, vaste débat. Alors l'observation et le constat, en tout cas, et alors pas plus tard qu'aujourd'hui même, hein, puisqu'on a vu que le mois de mars serait le mois le plus chaud de l'histoire, en tout cas record, hein, dans l'histoire du réchauffement climatique, et un premier pays qui vient d'être condamné aujourd'hui, la Suisse, hein, pour inaction en faveur du climat. Cela pose la question de l'intégrité scientifique. On ne l'a pas abordé comme tel, mais je crois que c'est un point important. Et le climat fait aussi apparition dans la bande dessinée à un moment où, effectivement, il semble incontestable de constater le changement climatique et de l'impact de l'activité humaine sur le climat, avec l'exemple du GIEC qui est abordé dans la bande dessinée et qui, pourtant, ce groupe d'experts, entre guillemets, lui-même remis en cause dans le champ scientifique. Ce n'est pas qu'en tant qu'expert qu'on peut aussi avoir autorité et affirmer les choses. Donc la question de l'intégrité scientifique, elle est intéressante, et je crois que c'est ce sur quoi aussi vous travaillez, Yann Voituron. Alors moi, je ne travaille pas dessus, mais on fait un gros effort, en tout cas en termes d'enseignement, pour sensibiliser les étudiants assez tôt à cette intégrité scientifique. C'est des choses qui émergent de plus en plus. Et donc avant, historiquement, on commençait à parler de ça en master, donc des bacs plus 4, bacs plus 5. Maintenant, on commence à essayer de mettre ça dès la licence, pour que, effectivement, dès les premières années, les étudiants soient quand même... En tout cas, on verbalise un certain nombre de choses et que ça jalonne un petit peu leur façon de penser. Voilà. Mais cette intégrité scientifique, elle est absolument nécessaire. Mais il y a de la variation, disons, dans cette intégrité, enfin dans les fautes possibles, c'est-à-dire ces erreurs à l'intégrité scientifique. vous avez tout un tas de choses possibles, la pire étant le forging, je vous ai dit, donc on invente les données ou on les trafique au plus haut point, donc ça c'est volontaire, mais en fait vous avez tout un gradient où les scientifiques peuvent faire des petites erreurs, parfois volontaires, parfois involontaires, parfois ils utilisent mal les outils qu'on leur met à disposition. On peut évoquer par exemple le cas des statistiques, où on veut bien faire, mais du coup on utilise les mauvais tests et donc on arrive à des conclusions erronées. Et ça c'est, voilà, donc il y a tout un gradient dans ces erreurs, il ne faut pas, disons, tout mettre dans le même panier. Alors l'université, par exemple Lyon 1, dans laquelle vous travaillez et vous intervenez, s'est engagée sur ce point, elle a un référent à l'intégrité scientifique. Oui, au sein de l'université, qui est chargé et qui a pour mission ce travail de vigilance, de conseil, de prévention. Oui. Alors, il y a des cellules qui se mettent de plus en plus. Il y a, par exemple, il y a des choses aussi qui vont dans le bon sens. Par exemple, depuis un an maintenant, il est obligatoire, quand un jeune impétrant a son doctorat, quand il vient d'avoir son doctorat, il faut qu'il lise une charte d'intégrité scientifique. Ça vient d'arriver. Un petit peu comme le serment d'Hippocrate des médecins. Donc voilà, c'est juste symbolique. Il n'empêche que l'étudiant qui devient docteur, qui peut rentrer dans le monde de la recherche, il a dit devant ses pairs qu'il allait avoir une démarche scientifique intègre. Et donc, il y a une vraie volonté d'améliorer cette démarche. Ben parce qu'on voit qu'il y a un peu parfois le feu à la maison. Hein. On voit qu'il y a une augmentation des fraudes au niveau de la science. Alors, on ne sait pas si c'est une augmentation qui est vraie. C'est-à-dire que, du coup, on voit le nombre de fraudes qui augmente, mais c'est peut-être parce qu'on les détecte mieux. Et peut-être que les scientifiques trichaient autant avant. Maintenant, donc c'est plutôt un bon signal si on les détecte plus. Voilà. Ou peut-être que le système est en train de s'emballer, on peut un peu discuter là-dessus, qu'il force un petit peu les gens à faire moins attention, et donc du coup à augmenter le nombre d'erreurs qui peuvent apparaître. Donc l'intégrité scientifique, vous parliez de charte, on peut le rapprocher aussi du travail journalistique, hein, avec sa charte de déontologie, notamment donc cet ensemble de règles, de devoirs et d'obligations imposées à une profession, une fonction ou une responsabilité. Cela m'amène à me demander si, puisque Stéphane Lebras disait que l'histoire était aussi une science proprement dite, on pouvait avoir ce même travail de comité, par exemple, de veille. Finalement, parce que la question peut se poser dans l'histoire, et je dirais même la préhistoire, qui pose beaucoup de questions. Par exemple, on est encore là dans le temps plus ancien, qui peut parfois questionner sur des vérités assénées ou affirmées sur ce monde passé. Disons que nous, on est dans des zones un peu plus grises, parce qu'on est dans l'interprétation. Oui. Voilà. Donc, une interprétation qui s'appuie sur des faits tout de même. Oui, et mais des sources soi-disant fiables. Alors, oui et non, parce qu'un objet, selon que vous le regardiez par une face ou par une autre, il vous apparaîtra différemment. Donc là, c'est ce qu'on appelle le biais cognitif. On va y venir juste après, transition est toute faite. Et que nous, en histoire, on appelle le biais de source, ou le biais de justification, ou le biais de confirmation. C'est-à-dire que, par exemple, on est persuadé d'une hypothèse, et donc on ne va aller chercher que des sources qui vont valider cette hypothèse. Ça existe en histoire, hein, et c'est quelque chose qui peut être détecté quand on connaît bien le sujet, qui peut être critiqué, mais qui est rarement synonyme de mise à l'index. Qui est même le principal défaut, hein, me semble-t-il, de ce travail d'information, qui est de « j'ai une idée », voilà mes idées et je vais démontrer quelles sont les bonnes. Mais disons qu'on écrit toujours dans un contexte qui est biaisé. On écrit toujours dans un contexte idéologique. Un contexte idéologique qui est propre à soi-même, un contexte idéologique collectif. Et donc ce contexte idéologique, il pèse forcément sur les interprétations qu'on en fait. Mais ça peut être vrai pour la science. Hein. Sous Staline, il y a un biologiste qui s'appelle Lysenko qui décide de réinventer la biologie. Et en fait, il dénonce la biologie bourgeoise. Et donc, ils partent vers de nouveaux principes biologiques, pardon. Donc, on appelle ça le lysenkisme, qui va en perdurer pendant 20 ou 30 ans, avec tout un tas de théories qui, aujourd'hui, apparaissent comme complètement farfelues, mais qui sont crues dures comme fer par les soviétiques à l'époque. Hein. Donc, la question idéologique, elle est très, très importante. Et nous-mêmes, en tant qu'historien, même si on essaie d'être le plus objectif possible, mais on est forcément soumis à des effets de source, on est forcément soumis à notre propre parcours, on est forcément soumis à nos propres biais, nos propres idées. C'est pour ça que quand on travaille avec des étudiants qui sont de jeunes chercheurs, on essaie souvent de leur expliquer d'être le plus honnête possible. Moi, je préfère utiliser le terme d'honnêteté plutôt que d'objectivité, parce que l'objectivité, en fait, elle n'est pas possible. Et je leur montre régulièrement des exemples, des images où, dans la classe, ben, ils vont voir des choses différentes. Hein, sur Facebook, il y a quelques années, il y avait cette histoire d'une robe qui apparaissait bleue pour certains et dorée pour d'autres. J'aime bien reprendre cet exemple-là. Il y a aussi l'exemple d'une bête qui, selon comment on la regarde, ressemble à un lapin ou à un canard. Et en fait, j'essaie d'expliquer aux étudiants que les documents auxquels on est confronté, ils sont soumis à leur interprétation et souvent eux-mêmes sont déconstruits. Hein, avec les plus jeunes étudiants, j'utilise aussi la photo de Doineau où on a les amoureux qui s'embrassent là à Paris et qui en fait est une image qui mise en scène, qui rappelle à tout le monde un baiser un peu romantique, alors qu'en fait c'est une mise en scène. Il y a le photographe qui est assis à un bar et Doineau il a repris la photo, je sais plus combien, 10, et ce sont des acteurs, enfin bon. Donc j'essaie de déconstruire tout cela, quoi. Et c'est une vraie difficulté quand on travaille en histoire, c'est que la source sur laquelle on va travailler, on ne peut pas lui faire confiance. Donc c'est pour ça qu'on croise avec d'autres archives, qu'on croise avec d'autres sources, pour essayer justement de déconstruire la manière dont ont été produites ces sources, pour essayer d'en tirer la moelle la plus véritable possible. Oui, il faut être prudent et du contradictoire qui s'impose. Ce qui demande beaucoup de temps. Comme en journalisme, et qui demande du temps, effectivement. Ce qui n'est pas dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de plus en plus, nous, en tant que chercheurs, de beaucoup produire. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des chaînes à info continue. Bon, elles-mêmes, elles sont dans une espèce de course à l'échalote, avec des journalistes qui ne sont plus du tout spécialisés, qui vont parler de tout et n'importe quoi, sans véritablement vérifier leurs sources. Qui sont faussement experts. Voilà. Donc, et qui se permettent d'intervenir sur tout. Voilà, la question de la source, elle est importante, mais elle est très complexe à aborder parce que ça demande énormément de temps, quoi. Oui. Ça a été bien formalisé, ce que dit Stéphane, en fait, par Donna Haraway dans les années, début des années 80. En fait, Donna Haraway donne le concept de savoir situé. À partir du moment où vous déclarez quelque chose, hein, où vous avez un savoir, il faut dire d'où vous venez. Donc ça va expliquer votre construction intellectuelle. Et donc ça va expliquer votre savoir, votre angle, en fait. Voilà. Moi, j'étais très intéressé par la remarque de Stéphane sur l'objectivité ou l'absence d'objectivité et de neutralité. C'est quelque chose que vous rejoignez, Yann et Gali, par exemple. C'est-à-dire ce côté, je reprends le côté situé, c'est-à-dire on parle forcément d'un point de vue situé, d'une expérience du monde politique, social, qui fait que forcément c'est biaisé, et on va parler des biais. Mais est-ce que vous rejoignez cette idée aussi, justement ? Et je parle là autant pour le scientifique que le chercheur historien, que le journaliste. Alors moi j'ai un cas d'école là-dessus, par exemple la notion de nature. En biologie c'est important, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que la nature ? Donc du coup, là, si on creuse bien, en fait la notion de nature c'est une construction intellectuelle. Et en fait, parce que ça vient aussi des Lumières qui nous disent que la nature c'est tout ce qui n'est pas nous. Et donc, on va s'extraire du jeu, en fait. Et donc, si vous allez voir d'autres peuplades qui n'ont pas eu la révolution scientifique, la révolution intellectuelle des Lumières, pour eux, le mot nature n'existe pas. On fait partie d'un tout, et en fait, en inventant la nature, on s'extrait, et ce qui nous autorise à, du coup, donner une hiérarchie, puisque nous, on est au-dessus, et donc, du coup, on peut l'exploiter, etc., etc. Et donc, toute notre façon de voir le monde, il vient par cette abstraction qui est la nature. Et c'est donc bien un concept. Est-ce que Gali, vous pourriez reprendre cette histoire des biais cognitifs qui sont très largement développés dans la bande dessinée, et important, on l'a entendu là, de les comprendre pour aussi justement pouvoir se forger une opinion. On a le droit à l'erreur aussi, hein, mais aussi c'est de savoir en fonction de justement aussi ces biais cognitifs Alors, je suis pas divers et variés. Je suis pas une spécialiste des biais cognitifs, donc je vais avoir du mal à en parler, je pense. Mais Stéphane parlait tout à l'heure de la représentation, l'image, ce que vous avez comme matériel finalement pour travailler. Moi, je suis dans la création d'images, donc je suis en train de me poser plein de questions sur ce que je dessine actuellement, en me disant que peut-être que plus tard ça sera mal interprété, je ne sais pas. Mais et la question de l'objectivité dans mon travail, elle se pose pas vraiment. Donc après voilà. Mais pour revenir sur les biais cognitifs, il a fallu que je les dessine. C'est quand même des concepts un peu abstraits. On va dire, c'est des éléments de pensée qui vous empêchent d'être objectif entre guillemets. Ou c'est des fonctionnements du cerveau qui fait que, voilà, par exemple, pour, je sais pas, l'effet de halo, vous avez tendance à accorder plus de crédit ou d'intérêt à une personne qui est belle. Quelqu'un de moche qui va dire exactement la même chose aura beaucoup moins d'impact après derrière. Mais c'est un exemple, il y a énormément de biais cognitifs. Nous, on en a choisi quelques-uns emblématiques pour illustrer ce que c'était et pour mettre finalement un pied là-dedans. Parce que c'est à ça que sert finalement notre bande dessinée, le fait de vulgariser des concepts assez abstraits, compliqués, voire inconnus pour certaines personnes. C'est justement la porte d'entrée et essayer de donner envie à d'autres, à des gens qui ont lu et de pouvoir ensuite approfondir et mieux comprendre le monde. Voilà. Donc, peut-être Gali qu'il faudrait en fait. Resituer et recontextualiser cette BD. C'est-à-dire que le point de départ d'expliquer d'où vient ou comment a été développé tout ce travail. Je crois que la scène d'ouverture, en fait, c'est donc celle qui alimente tout ce scénario, est assez marquant. Oui, la scène d'ouverture de la bande dessinée, on a un groupe d'amis qui se retrouvent à un repas. Et arrive une personne qui se dit druide. Donc, elle est allée dans la nature, elle est persuadée d'avoir observé des fées et d'avoir vécu une expérience mystique. Et on va avoir un personnage, Paul, qui va être donc notre personnage principal qu'on va suivre pendant toute la BD, qui se fout un peu de sa gueule. Et se fait rembarrer un peu par tout le groupe. Les gens lui disent « Mais tu es sceptique, mais rêve un peu », enfin bref. Et il est très énervé et se met donc évidemment à faire un post internet, à trouver des gens qui vont dans son sens, d'autres pas, etc. Et à partir de là, en fait, débarque une entité qui s'appelle l'esprit critique, qui est... un personnage qui va changer de forme au fur et à mesure de l'album parce que ça m'arrange et ce personnage-là va lui expliquer à quel point même dans sa démarche de vouloir bien faire il a tort et va donc constamment le remettre en question tout au long de l'album. Donc voilà, Paul c'est un peu vous, tout le monde, et l'idée c'était justement de mettre un pied là-dedans, essayer voilà. De mieux comprendre. Et oui, Vous pouvez être sceptique sur le climat, vous pouvez être sceptique sur les druides et les fées, pourquoi pas, mais l'intérêt de l'ouvrage, c'est qu'il démontre au fil de plus d'une centaine de pages donc, tous ces mécanismes qui amènent à... Paul se braque et apporte un jugement fort, opposé un peu frontalement. Je pense qu'il reste sur cette position, en fait, de ne pas être d'accord, mais au moins, il aura compris, au fil de l'ouvrage et de ce bon esprit critique, tous les mécanismes en jeu, donc ces biais cognitifs, et puis, au-delà, comment aussi d'autres amènent à d'autres outils, comme des outils argumentaires, notamment, pour, effectivement, bien comprendre, déconstruire lui-même son propre jugement et amener à avoir une opinion, quoi, mais sur des éléments... on va dire vérifié et vérifiable. Je précise que c'est pas un ouvrage qui fait l'apologie du druidisme. Voilà, juste au cas non, où. Pas du tout. On reste vraiment dans la science. C'est juste un point en fait de départ commun et voilà. Ouais. Alors pour poursuivre sur cette question de l'esprit critique, l'intitulé même de cette rencontre, c'est Esprit critique. Es-tu encore là ? Vous êtes là pour faire force, au contraire, démonstration que si, l'esprit critique existe toujours, mais vous pensez que l'esprit critique, effectivement, n'est plus trop d'actualité et que ce travail en cours qui doit prendre le temps, qui doit, et donc qui répond aussi à un travail qu'on pourrait qualifier d'éducation, comme l'a été mené là durant ces mois, par exemple d'éducation aux médias et à l'information. C'est un travail qui est peu présent et qui pourtant est précieux et qu'il faudrait surtout réenclencher. Stéphane ? Non, moi je pense au contraire qu'il y a de plus en plus d'esprit critique. Et de plus en plus d'esprit critique à l'école. Les enseignants, les programmes désormais insistent sur ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Donc avec un travail autour de l'esprit critique qui est de plus en plus massif. Et en même temps, cet esprit critique est de plus en plus important dans l'espace public et notamment sur les réseaux sociaux, avec une remise en question de la parole des savants. Hein, avec un phénomène qu'on connaît bien qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est l'effet de surconfiance en fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura lu 3 pages internet va penser qu'il peut être beaucoup plus légitime et compétent qu'un scientifique qui a travaillé depuis 20 ans ou 10 ans sur un sujet. Donc l'esprit critique, il a toujours... Le problème, c'est qu'on va dans les deux sens, on va dans les deux directions, là, en ce moment, avec, à mon avis, un rôle assez néfaste des réseaux sociaux et un rôle ambigu d'Internet, qui a diffusé... quand j'avais une vingtaine d'années et que... Internet. Et qu'Internet n'existait pas. Si, justement, qu'on commençait à avoir accès à Internet, c'était présenté comme étant une mine d'informations, ce que c'est, hein, c'est-à-dire une mine d'informations, une capacité de se cultiver, d'avoir accès à la fois à la culture. Aujourd'hui, en 2 clics, on a accès aux plus petits chanteurs coréens au fin fond de la Corée, quoi. Alors que quand on était plus jeune, pour avoir accès à même la musique américaine, parfois ça pouvait être compliqué, quoi. Donc Internet a ouvert en fait l'horizon culturel dans le monde, mais en même temps ça a permis le développement et surtout ça a permis, je pense, de mettre en réseau et en connexion des gens qui existaient déjà, hein. Les antivax, il y en a toujours eu, hein. Les complotistes, il y en a toujours eu, mais Internet a permis de les mettre en commun et de les mettre ensemble, et leur a donné également des outils, qui sont des outils pseudo-scientifiques, qui leur permettent de développer des théories qui font qu'aujourd'hui en France, hein, il y a une étude de l'Ipsos là, en 2018 ou 2019, qui montre qu'en France, il y a 10% de gens qui pensent que la Terre est plate. 10%. C'est énorme. Hein. Et ça encore, c'est que sur la Terre plate. La Terre plate, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Hein, mais derrière, il y a les antivax, il y a aussi les antivax, ça a fait revenir la rougeole en Europe, ça a fait revenir la tuberculose récemment en Angleterre. Hein. Donc il y a des enjeux sanitaires qui sont extrêmement importants. Et en ce sens, je pense que pour revenir à votre question, on essaie chez les enseignants de développer de plus en plus d'outils pour que les élèves arrivent à mieux maîtriser les informations, à développer leur esprit critique, mais dans le même temps, eux-mêmes sont engloutis sous une masse d'informations plus ou moins contradictoires. Mmh. Et quand je fais ce genre de conférences où je participe à des tables rondes et où il y a des étudiants et où il y a des élèves du secondaire, ils me posent toujours la question. Ils ont toujours des questions qui sont très très pertinentes parce qu'on sent qu'eux-mêmes, ils sont un petit peu perdus face à cette masse, cet afflux d'informations, quoi. Et on les comprend. Même question, Gali et Yann, et aussi peut-être réaction, parce que vous avez le droit, bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Alors si, je vais plutôt être d'accord avec Stéphane, c'est-à-dire il y a un mot que j'aime bien, c'est l'infobésité, c'est-à-dire on est effectivement le fait d'être couvert d'informations constantes rend difficile de faire le tri. Et donc, du coup, effectivement, on a cette puissance absolument formidable qu'est Internet d'aller chercher toutes les connaissances qu'on veut. Mais ça fait des caisses de résonance, effectivement, à des espèces de réseaux de gens qui se connectent et qui, du coup, arrivent à se nourrir les uns les autres. Et du coup, par le biais d'un biais cognitif qui est « j'entends mieux ce qui conforte mes idées préexistantes que les nouvelles », et ben du coup, je viens de plus en plus sûr de ma vision du monde. Et puis, Et puis, là, comme d'habitude, là, je me rends compte que je suis assez critique avec la science. Hein. Et que la science aussi, elle a un aspect assez rugueux, c'est-à-dire elle se complexifie, la science. Et donc, les gens préfèrent aussi avoir des réponses assez simples. Et donc, voilà, ils préfèrent quelque chose qui est pas tout à fait vrai, mais simple, que quelque chose qui est vrai et complexe. Et les gens sont plutôt pour aller vers quelque chose qu'ils vont bien comprendre, facile à appréhender, etc. Et la science amène quand même de plus en plus de détails, de nuances, ça marche pas tout le temps, ça marche comme ça, les effets sont multiples, etc., etc. Et le message est plus difficile à faire passer quand vous avez ce genre d'infos que quelque chose de vous asséner, c'est assez simple. Hein. On a bien connu certains médecins marseillais qui disaient des choses très simples, et ça a plu beaucoup à beaucoup de gens, parce que c'était rassurant. Voilà. Et que l'autre côté, la science, elle n'était pas rassurante. Voilà. Et puis il était rassurant aussi, lui. Oui, exactement. Hein, finalement. On parle de, vous voyez, de qui, hein ? Bien sûr. Ceci dit, ça pose la question de la transmission et de la responsabilité, je trouve, cette question-là, parce que vous avez parlé d'honnêteté tout à l'heure, Stéphane. C'est la question de la responsabilité, moi, que ça me renvoie, ces questions-là. Celle de la science, qui pourtant répond à une logique et surtout, je dirais même, à une méthode. La science a au moins ça pour elle, c'est qu'elle a une méthode très clairement définie, qui est rappelée d'ailleurs aussi par, comment s'appelle-t-elle, Isabelle Bottion. Il y a tout dans la BDC. Il y a vraiment tout. Enfin, c'est vraiment c'est vrai, c'est dense, c'est assez exhaustif. Mais qui rappelle cette méthode scientifique dure d'observation, d'hypothèses, d'expériences, de théories et d'évaluation, qui ne répond pas qu'à un seul scientifique, mais à un comité scientifique, la validation par ses pairs. Donc on se dit, quand même, c'est plutôt propre de ce côté-là, mais se pose la question de la transmission et de la responsabilité de transmission de ces infos, même quand elle est en doute ou douteuse. Alors, sur les méthodes scientifiques, il y a effectivement, on essaye d'avoir des méthodes scientifiques. Alors, on revient à cette notion d'observation. Avant, les sciences étaient plutôt observationnelles, et puis à partir de l'accumulation de données, on arrivait à avoir une théorie. Enfin, le but de la science, c'est quand même de généraliser les conclusions et de savoir qu'est-ce qui fonctionne à large échelle. Et puis, tout d'un coup, arrive Popper, Karl Popper, qui dit bah, en fait, l'accumulation de données ne permet pas d'arriver à la vérité, puisqu'il suffit qu'il y ait un contre-exemple pour que tout tombe. Et donc, du coup, il va mettre en place l'approche hypothético-déductive, où il va mettre l'hypothèse avant l'observation, et donc il pose comme paradigme qu'il faut pouvoir réfuter toute affirmation, et c'est ça qui est scientifique. Tout ce qui n'est pas réfutable n'est pas science. Voilà. Après, Popper a été accompagné par d'autres, on peut citer par exemple Kuhn et Lakatos, qui aussi montrent un petit peu comment les sciences fonctionnent, et puis font des espèces de cycles de crise, et puis de moments où la science est un peu plus calme, puis après elle va avoir une nouvelle crise, elle va remettre en place des axiomes, hein, des visions du monde. Et puis voilà. Et puis il y a d'autres. Hein. Il y a des vrais penseurs de la science comme Feyerabend qui disent que les méthodes scientifiques, il n'y en a pas une qui se vaut plus que l'autre. Tout se vaut quelque part. Voilà, je suis pas très fan du relativisme absolu parce qu'on vit aussi avec ça. Hein. C'est-à-dire que les gens, tout est relatif et la science, elle est mise au même niveau que les autres. Et donc, comme vous l'avez dit, la science, elle a un petit truc en plus, c'est effectivement qu'elle est capable de s'auto-regarder constamment, qu'elle est en doute constamment et qu'elle sait qu'elle n'a pas la vérité. Et donc, elle est constamment en train de se métamorphoser. Et donc, elle a ça pour elle. Mmh. Après, la question de la transmission, voilà, moi, je vais être court, mais par exemple, le diable se niche dans les détails, par exemple. La transmission de la science s'est voulu plus directe dans ces dernières années, donc on a inventé ce qu'on appelle l'open access, par exemple, et donc avant, pour avoir les travaux des scientifiques, il fallait payer des revues très chères, et c'était impossible pour les gens qui n'étaient pas scientifiques. Et puis d'un coup, on a dit, on va rendre les journaux scientifiques directement disponibles pour les gens, donc on invente des revues où, en un clic, vous avez l'article. Vous avez l'article pur et dur, hein, bien rugueux, introduction, matériel et méthode, résultat, conclusion. Et tout d'un coup vient se mettre dans l'open access cette notion qu'il y a de l'argent à se faire. Et vous avez tout d'un coup des boîtes qui viennent et qui du coup disent « Mais puisque je rends accessible la donnée, je vais faire payer les scientifiques pour que la donnée soit accessible. » Bon, le modèle financier est parfait pour eux, mais il n'empêche que du coup, on voit bien que ces boîtes, ces éditeurs particuliers, du coup, vont plutôt optimiser le gain financier que la qualité de la recherche. Oui, oui. Voilà. Et donc la transmission, elle se trouve biaisée par ce genre de pratique. Mais comme elle peut être biaisée, je reprends Stéphane tout à l'heure votre appréciation aussi de l'information et de la connaissance sous le prisme idéologique, ce qui me choque moi comme ça, a priori, parce que je me dis au contraire, c'est, l'intention elle est plutôt de s'extraire de tout but idéologique ou lucratif, justement, et qu'on rentre sinon dans ce mécanisme de soit de tromperie, de mensonge, de canular, d'erreur, de propagande même. Je trouve que c'est un écueil à, justement absolument à éviter. Est-ce que je peux répondre sur la transmission avant et puis, ouais. Parce allez, que, double question. Non, c'est juste pour dire une chose importante. La transmission aussi des fausses nouvelles, elle se fait par... Et elle s'explique aussi par ce qu'on appelle le prescripteur. C'est-à-dire que la personne qui va déclarer le message. Plus elle est importante, plus elle a du rayonnement et plus elle va être écoutée et crue. Hein. C'est pour ça que Raoult, quand il arrive et qu'il dit quelque chose, on va le croire parce que il jouit en fait d'une honorabilité dans le monde scientifique et au-delà. Il est déjà connu pour tout un tas d'autres travaux en fait. Hein, il n'est pas du tout spécialiste de la question. Voilà. Et aussi le prescripteur, souvent, il joue sur ce qu'on pourrait appeler de manière triviale de bas instinct, que moi je traduis plutôt par les émotions. Et Raoult, par exemple, il joue sur les Marseillais contre Paris, c'est-à-dire la province contre la capitale. Et vous allez avoir d'autres prescripteurs qui vont jouer sur d'autres émotions. Et ça, c'est y a des biologistes ou des je ne sais quoi, qui travaillent là-dessus, qui montrent très bien quelles sont les parties du cerveau en fait, qui réagissent aux fausses nouvelles. Et on voit qu'en particulier, c'est la zone de la récompense qui va se mettre en activité au moment où on va... lire une fausse nouvelle, ou on va lire, en tout cas, on ne sait pas que c'est une fausse nouvelle, mais on va lire une information qui va nous faire plaisir. Hein. Or, l'être humain, pour tout un tas de raisons, là aussi, qui sont socio-construites, comme la nature, hein, parce que tout, en fait, est socio-construction. Hein. Même, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le goût. Même le goût, en fait, est une socio-construction. Et donc, l'être humain est toujours intéressé par ce qui apparaît comme étant mystérieux. C'est pour ça que le complot, en fait, attire aussi. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que ça joue... La fausse nouvelle, elle joue à la fois sur l'aspect informationnel, l'information qui apparaît comme étant crédible, véritable, mais aussi sur la dimension émotive, l'affect. Et c'est en fait ce mélange, cette hybridation entre l'affect et l'information qui fait une bonne fausse nouvelle. Hein, c'est-à-dire que on va et quand je disais que ça existe depuis toujours et à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en vous parlant de Trump, je vous ai parlé de Ponce Pilate, mais ça marche au Moyen-Âge, dans les hameaux, entre voisins, parce que tel voisin a fait ceci dans son champ. Ça marche pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il n'y a plus de gars dans les villages, donc il y a des suspicions sur les femmes, et donc il y a tout un tas de rumeurs qui se développent autour d'un tel qui vit seul un peu à l'écart du village, et on a vu quelqu'un y aller, vous voyez. Donc la notion de rumeur, voilà, elle s'inscrit, pour revenir à votre question, elle s'inscrit dans un contexte que moi j'appelle idéologique, mais par idéologique, je l'entends pas de manière négative en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous on est tous le fruit d'une idéologie. Hein, ou de plusieurs idéologies. En tout cas, on évolue dans un contexte intellectuel, hein, qui fait que parfois on a du mal à s'en extraire, selon ses opinions politiques, selon son éducation, selon son expérience ou ses expériences de vie. Voilà. Et donc c'est très difficile de sortir de cela, parce que parfois c'est construit sur plusieurs dizaines d'années, parfois sur plusieurs centaines d'années. Hein. Moi, mon champ d'expertise à proprement parler, c'est le marché des boissons alcoolisées. Et donc je travaille sur comment est-ce que le contrôle de l'information permet, ou du moins entraîne, la consommation de certaines boissons. Hein, l'exemple typique, c'est le vin. Vous avez tous entendu vos grands-parents, vos parents vous dire que le vin c'était bon pour la santé, qu'il fallait en boire. Voilà. Et moi en fait je travaille sur ça par exemple, sur comment est-ce que ça se construit depuis le 19e siècle. C'est une information qui a été détournée à un moment donné et qui a été institutionnalisée. Et donc ça construit un environnement que, moi j'appelle, que j'ai appelé idéologique, mais on pourrait appeler contexte intellectuel. Ou, oui, oui. Voyez, ou qui pouvait répondre aussi à d'autres, et donc, d'autres démarches et intérêts plus économiques, par exemple. Voilà. On a aussi vu et donc, il est des très... publicités à l'époque pour dire qu'il fallait boire parce que ça rafraîchissait, exactement. Parce que c'était bon pour la santé, ou que fumer même était bon pour la santé. Exactement. Enfin, je vais vous donner un autre exemple. Fumer bon pour la santé, on pourrait croire que c'est vrai. C'est-à-dire qu'un produit qu'on ingère, pourquoi pas? Mais on a eu des publicités dans les années 70 où on voyait un mec fumer avec trois nanas autour de lui. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entendait? Que fumer, ça permettait d'avoir du succès avec les filles. Vous voyez? Donc, ce sont là aussi des construits sociaux. Oui, toute une imagerie associée. Exactement. Hein. Ouais. Et donc, c'est ça qui est important à comprendre sur le contrôle et la diffusion de l'information. Ce sont ces idées qui sont partagées socialement, qui parfois sont très, très, très compliquées à déconstruire. Hein, moi, sur mon histoire de vin et santé, je peux vous assurer que régulièrement, quand je fais des conférences, j'ai des gens, encore la semaine dernière, j'ai un monsieur qui est venu me voir, qui me dit « Moi, j'ai 90 ans, je bois du vin tous les jours. » Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Voilà. Là, c'est ce à quoi on est confronté régulièrement en tant que scientifique. C'est la personne ou l'exemple un peu qui sort des statistiques et qui sort de l'ordinaire et qui va venir nous contredire. Et c'est sur ça ensuite que vont jouer les complotistes, en sortant de mon exemple à moi, mais vont jouer les complotistes ou vont jouer tous ceux qui essaient de mettre à mal le lien social, quoi. Voilà. Et il faut du temps pour, vous le disiez, hein, temps, tout ce travail de... Beaucoup de persuasion. De déconstruction. Il faut la foi aussi, hein, finalement. On n'a pas parlé de foi, de croyance. Fait et foi, c'est un des chapitres aussi de la bande dessinée. Chose intéressante, que et qui croire. C'est aussi une question posée et ô combien intéressante. Ce qui est intéressant aussi dans... Alors moi, je reprends la bande dessinée, en tout cas pour exemple, c'est qu'elle apporte des solutions aussi, en tout cas des éléments de propositions. Je rappelle quand même qu'en termes de mauvaises nouvelles ou de fake news surtout, je crois que c'est, d'après l'expo que j'ai vue dans le cadre de l'événement, c'est 5 fake news par seconde qui envahit et qui circule, quoi, la toile ou autre. C'est impressionnant. Et l'impact même économique aussi que cela a sur l'économie mondiale, enfin, c'est en termes de milliards, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et ça, il existe des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Hein, c'est ce qu'on appelle des fermes à clics, hein, qui en fait produisent du contenu qui est fait pour manipuler les gens. Hein, et ça, il y a des logiciels qui sont créés, notamment il y a 2 pays qui sont spécialistes là-dedans, c'est l'Inde et la Chine, hein, qui ont développé toute une économie. Et le problème, c'est quand c'est parfois repris par, comme je vous disais tout à l'heure, un prescripteur. Hein, en 2015, il y a eu un souci avec une... Enfin, il n'y a même pas eu un souci. Il y a un gamin qui a raconté sur une page internet un problème avec une Xbox. Et ça a été repris par l'AFP. Et c'était une fausse nouvelle, hein, c'était un mensonge en fait. L'AFP l'a repris et ça a entraîné une chute du cours de Microsoft, hein, en quelques semaines. Alors à contre, on a des outils, malgré tout, de fact-checking par exemple. Vous parlez de l'AFP, il y a AFP Factuel qui permet par exemple d'aller vérifier et d'avérer la information fausse par exemple. Donc il y a des aides comme ça, Conspiracy Watch et bien d'autres, ainsi que des sites internet. Alors ça, c'est intéressant dans la bande dessinée aussi. Je ne sais plus où je l'ai listé, mais il y a un ensemble de moteurs de recherche très spécialisés, justement, et qui permettent de vérifier les informations au-delà de celui que l'on connaît tous. De même, des stratégies d'usage des moteurs de recherche. C'est intéressant de voir dans la bande dessinée aussi, il suffit bien de taper un mot dans un moteur de recherche pour trouver une information. Enfin, vous le savez tous, mais c'est pas aussi simple en fait, mais de savoir par quelques autres mots-clés complémentaires comment on peut aller renforcer l'information et affiner aussi parfois l'information et la recherche. Gros travail, on va donc prendre le temps de le faire, on va tenter. Merci en tout cas beaucoup à vous trois. On va prendre, si vous le voulez bien, quelques informations. Peut-être qu'il y a des questions aussi ou des remarques ou autres que vous souhaitez apporter ici dans la salle. Il y a un micro qui va se balader. Et comme c'est enregistré et que ce sera radiodiffusé, on va vous demander de bien parler dans le micro si possible. Est-ce que vous souhaiteriez intervenir? Oui, une question là-bas. Moi, je viens de suivre une formation sur le MI à Médiat, là, à Rhône-Alpes, la semaine dernière, et je me pose beaucoup de questions face à le développement des IA. Parce que ça va vite, là encore, c'est puissant, et on se trompe facilement. Et moi, je me sens vraiment démunie, vraiment avec ce nouvel outil qui arrive et qui va un peu perturber nos vies. C'est un vrai enjeu de société, voire pour mettre en péril nos démocraties. Donc, un petit peu, je suis un peu en alerte là-dessus et je me sens vraiment démunie parce que j'ai l'impression d'avoir basculé dans un autre monde encore. Et nos jeunes, là, à l'heure actuelle, ils sont déjà dans ce monde-là, voire, je me dis, dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que ça va être ? Démunie, je le suis aussi. C'est pas moi, un spécialiste d'IA, qui vais pouvoir vous répondre. Peut-être, je ne sais pas si vous avez un complément réponse ou de remarque. Hein. Donc les IA, je suis un peu comme vous. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, je suis à la fois émerveillé par ce qu'elles sont capables de faire, parce qu'elles amènent des progrès indéniables. En biologie, je vous en donne un, il y a une IA qui s'appelle AlphaFold et qui est capable de résoudre des problèmes de configuration de protéines. Ça faisait 30 ans que les biochimistes étaient bloqués, 30 ans, 50, que les biochimistes étaient bloqués pour comment passer d'une chaîne d'acides aminés linéaire en une protéine en 3D avec des sites actifs, etc. Et AlphaFold est capable de générer, de trouver les bonnes protéines, ça a été vérifié. C'est un progrès absolument immense pour tout ce qui va être santé, compréhension du vivant, vous en avez, voilà. Et puis de l'autre côté, effectivement, si c'est mal utilisé, comme tout outil, hein, si c'est mal utilisé, ça va aller vers quelque chose qui peut être assez effrayant. Voilà, moi j'ai des collègues en mathématiques qui ont travaillé sur les IA, eux ils sont politiquement très contre, moi j'ai du mal à avoir la profondeur de jusqu'où ça peut aller, où l'abysse va nous amener. Moi, je pense que déjà, le fait que vous soyez méfiante, c'est une bonne chose, parce que je pense que c'est justement ça qu'il faut arriver à diffuser. Hein, tout à l'heure, on a parlé de défiance. La défiance, c'est justement un mauvais réflexe. Par contre, la méfiance, c'est, un bon réflexe. D'un point de vue historique, ou en prenant un peu de recul, j'aime bien dire, alors c'est pas très positif, mais j'aime bien dire que... Je trouve qu'on est une génération sacrifiée, en fait. C'est-à-dire qu'on est face à un phénomène qui est nouveau, qui est révolutionnaire, et on est en train d'en apprendre les bases, les bonnes comme les mauvaises pratiques. Donc après, j'imagine qu'il va y avoir des étapes qui vont être des étapes de contrôle. Il commence, me semble-t-il, à y en avoir. Comme il y a eu le fact-checking, hein, le fact-checking c'est relativement, relativement récent, à un moment donné il y aura très certainement d'autres technologies qui permettront de contrôler ou de déceler l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est possible sur les photos, on le voit bien avec les photos, les mecs qui ont 6 doigts ou quelque chose qui ne va pas dans le fond, mais ça veut dire qu'il faut être méfiant, qu'il faut prendre du temps. Et voilà. Donc là, après, ce sont des réflexes qu'il faut acquérir, c'est certain. Ce sont des réflexes qu'il faut apprendre à nos enfants, à nos adolescents. Mais c'est vrai qu'on est dans une période, d'un point de vue historique, hein, on est dans une période qui est une période de transition. On pourrait prendre d'autres exemples, hein, qui est celui de l'ordinateur. Hein, c'est-à-dire que nous, nos étudiants, maintenant, ils ont tous des ordinateurs. Mais on se rend compte qu'ils prennent moins bien les notes qu'il y a 20 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que les ordinateurs ne sont pas faits pour... prendre les notes, ben non, c'est juste que eux ont commencé à apprendre par l'écrit et puis se sont mis à l'ordinateur à un moment donné, donc il a fallu apprendre des nouvelles techniques, voilà, en fait on est dans une période de transition, donc qu'est-ce que ça donnera dans le futur, est-ce qu'on aura un futur à la Terminator ou est-ce qu'on aura un futur plus paisible, c'est difficile à dire, hein. Mais ce qui est certain c'est que le réflexe c'est effectivement d'être méfiant sans trop l'être. Voilà. Et c'est cet équilibre c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. En fait, il faudrait s'imaginer comme si on était le 1er avril, mais tous les jours de l'année. Le 1er avril étant d'ailleurs la journée de l'esprit critique, puisque c'est le moment où on va se poser la question, est-ce que cette information est vraie ou est-ce que c'est une blague ? On va, je pense, à mon humble avis, voilà, en arriver là, à se demander à chaque fois, à se poser des questions. Voilà. C'est dur, c'est fatigant, et quand on est face à de l'information, on n'a pas envie, surtout qu'on est encore aujourd'hui des générations qui avait une sorte de culte de l'information qui venait de la télévision, qui venait de la radio, qui venait de la... Alors, ne parlons pas des anciens. En fait, quand on regarde les études, on voit que ceux qui diffusent le plus des fausses nouvelles, ce sont les anciens. Pourquoi ? Parce que eux ont un rapport à l'information qui est celui de la crédulité, c'est-à-dire que, ou de la foi. Ils ont une confiance aveugle dans l'écrit. Et donc, ce qu'ils voient écrit, même si c'est sur un écran ou une tablette, un téléphone portable, ils sont persuadés que c'est vrai. Parce que on leur a expliqué, même si nous-mêmes historiens montrons que c'est faux, hein, que dans les années 50, 60, il y avait déjà tout un tas de fausses nouvelles qui circulaient dans les journaux. Mais eux, ils ont été élevés. Et donc, face à cette nouvelle technologie, ils sont les premiers à véhiculer des fausses informations. Donc, c'est compliqué. Vous auriez aimé une réponse simple. Pardon ? merci pour vos différentes prises de parole. Moi, je vais rebondir sur... Enfin, il y a plein de choses qui ont été dites, mais notamment sur quelque chose qu'a annoncé Stéphane à un moment, où je pense qu'on a tous pu le voir, en plus, pendant la table ronde, la question de cette bataille idéologique, en fait, autour de l'esprit critique, qu'on a bien nommé comme ça. Vous avez aussi parlé plusieurs fois de la science, comme des noms propres, en fait, et dans ce cas-là, on se rapproche beaucoup plus de la croyance et de, parfois, voilà, l'aveuglement qu'on peut avoir dans la science, finalement, qui est un objet religieux, présenté comme ça, qui n'est pas du tout comme la méthode scientifique, mais qui est plutôt la science, comme le scientifique, comme le prophète. En fait, on revient sur exactement les mêmes mécanismes. Et du coup, pour moi, il est vraiment important cette différenciation-là, et je trouve qu'elle est au cœur de l'esprit critique. Moi, personnellement, je suis éducateur aux médias et au numérique, et du coup, j'interviens avec des élèves dans des établissements. Et en fait, je me rends compte de plus en plus, au début, j'avais une approche en disant essayer de leur donner des outils, et qu'en fait, ils ne s'en saisissaient pas des outils d'esprit critique, voilà, de parler des biais cognitifs, c'est hyper important, les choses que nous ont apporté les démonstrations scientifiques de différentes disciplines, mais qu'en fait, tant qu'ils n'avaient pas la curiosité de se dire, en fait, j'ai envie de savoir parce que je sais ce que ça va m'apporter, parce que je suis curieux, tout simplement, en fait, ça ne servait à rien. Tant qu'ils n'avaient pas l'envie de savoir, tout simplement. J'aime bien cette phrase de Foucault qui dit il serait bien d'érotiser le savoir à l'école. Et du coup, la question que je voulais vous dire, c'était vous, comment vous percevez cette dichotomie entre la croyance et la connaissance, qui pour moi est assez mauvaise, mais en tout cas, pour en avoir parlé à parfois des scientifiques qui sont très, du coup, scientifiques, et du coup, la croyance, on s'en fout, ça compte pas, voilà. Et de notre côté, il y a les gens qui sont que dans la croyance et les scientifiques. Et en fait, quand c'est pas nuancé, on n'avance pas, quoi. Voilà, donc c'est clair comme réponse. Si, si, c'est très, très intéressant, complexe à nouveau, j'imagine, comme réponse possible à apporter. En tout cas, quand je disais la science... c'était pour tenter de le circonscrire à la discipline de la science dure, sans scientisme aucun, justement, de penser que justement cette croyance en la science absolue qui apporterait les réponses à tous les maux du monde, voilà, je fais une nuance tout de même. Vous êtes très nietzschien dans votre approche. Nietzsche était très nous a vite classé, il dit exactement ça, la science devient une religion parce qu'elle a été construite comme ça. Et donc effectivement, c'est d'où on tire quelque part notre position de sachant. Et donc il l'a très vite déconstruit, il l'a très bien montré. Donc voilà. Après moi, je vais rester sur Nietzsche pour dire, je vais en citer deux. Quand on ne sait pas quoi répondre, en fait, on cite des gens qui disent des phrases un peu éthériques. Ah, ça c'est une technique de communication. Non mais la connaissance, enfin, moi pourquoi je fais de la science ? Parce que ça nuit à la bêtise. Et c'est déjà pas si mal. Et donc, voilà, c'est Nietzsche qui disait ça, pour rester sur lui. Donc, vous avez raison, hein, mais on est vraiment constamment un intermédiaire entre nos propres jugements, les jugements des autres, nous, ce qu'on croit, ce qu'on veut essayer de comprendre, etc. etc. Donc, on est en fait un mélange extrêmement complexe. Et de ça, il faut essayer de se faire une façon de voir le monde. Et donc voilà, et Bachelard disait ça, hein, qui est encore quelqu'un qui travaillait beaucoup sur les méthodes scientifiques. Bachelard dit la science, comme objet, c'est quand même quelque chose qui marche qu'un cas, c'est-à-dire elle est constamment en interaction avec la société. Voilà un des exemples typiques, si vous regardez les anciennes gravures où les extraterrestres arrivaient sur Terre, ils arrivaient en train pendant un temps, parce que le train c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Maintenant ils arrivent en volant parce qu'on sait voler, donc c'est le truc qui se fait le mieux. Mais voilà, bien sûr que cet imaginaire il fait partie même de la science, et donc voilà, on est un espèce de doux mélange. Non, d'autant plus que pour rebondir sur quelque chose qui a été dit, qui est la démarche hypothético-déductive, c'est que pour faire de la recherche, on est obligé nous-mêmes de croire très fort dans notre hypothèse. Donc on est nous-mêmes partagés entre cette croyance qu'on va prouver quelque chose que l'on pense être vrai et des faits, des preuves, des sources qui vont aller dans notre sens parfois, qui vont aller pas dans notre sens parfois, voilà. Donc on est nous-mêmes toujours un peu entre deux à essayer de juguler ces deux forces, celle qui est rationnelle et celle qui, je vais pas dire qui est irrationnelle, mais qui est en fait notre moteur principal et qui pousse parfois, donc ça a été expliqué tout à l'heure, à des dérives, hein. Mais ces dérives elles remontent, elles sont pas récentes, hein. Il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, une quinzaine d'années, on a démontré que Freud, en fait, qui voulait prouver absolument ses théories, avait complètement truqué en fait toutes ses études pour en fait montrer ce qu'il voulait montrer, quoi. Hein? Donc en gros, il gardait les cas d'études qui allaient dans son sens. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la confirmation par la preuve. Voilà. Et c'est pas pour autant que la psychiatrie, elle est pas encore aujourd'hui en partie basée sur les avancées du freudisme. Vous voyez, donc c'est ça qui est difficile, c'est effectivement arriver à trouver un équilibre entre ce qu'on croit être le bon chemin et puis les éléments qui viennent confirmer ce bon chemin ou l'infirmer. C'est là où, moi, tout à l'heure, je parlais d'honnêteté, hein, mais qui, nous, des fois, nous fait perdre du temps ou nous ralentit. Donc c'est difficile. Juste pour donner un autre exemple, Mendel, qui a quand même ses travaux avec sur ses petits pois, a donné toute la génétique derrière. Il a trafiqué ses données, un petit peu, parce qu'il était, il avait senti cette passation par les gènes, et donc on sait maintenant qu'il a un petit peu trafiqué ses données, mais bon, il avait raison, quelque part. Est-ce qu'il y aurait une autre envie d'intervention et de remarque? Non? Alors je crois qu'on pourra terminer peut-être sur ces mots-clés. Honnêteté, ça me semble être un mot assez juste. Fiabilité, respect, responsabilité, en tout cas remise en question. Peut-être bien question, tout simplement aussi. Je renvoie aux travaux, ici représentés, l'esprit critique aux éditions Delcourt par Gali et Isabelle Bottian. Vraiment, c'est un ouvrage complet, exhaustif. Les recherches, réflexions au travers de l'ouvrage de Stéphane Lebras, c'est Un millénaire de bruit et de rumeurs dans l'espace public français. C'est à quelles éditions, Stéphane ? Ce sont les éditions universitaires Blaise Pascal. Et aux éditions universitaires, donc on le trouve difficilement alors. Non, ils ont un site internet où vous pouvez acheter les livres. C'est très récent en plus, donc ça bien distribué. Ça fonctionne très bien. Oui. Ok. Ça a eu beaucoup de succès. On le retrouve dans beaucoup de librairies. Yann Voituron, on renvoie à vos recherches. Si les mitochondries vous intéressent, vous lisez. On peut. Très bien. En tout cas, grand merci à vous pour cette rencontre et vos interventions. Merci beaucoup. Merci aux archives municipales et métropolitaines. Merci à la Cinémathèque de nous avoir accueillis également. Et on vous dit à très bientôt. Bonne continuation à vous. Merci.